sache que Allah te fasse miséricorde, que Allah Ta'ala existe éternellement sans début ni fin. L'imam al-Ash'ari, que Allah l'agré, a dit que l'existence de Allah, c'est Allah lui-même. L'imam al-Ash'ari a dit que l'existence de Allah, c'est Allah lui-même. C'est pour cela qu'on l'appelle Sifatun Nafsiyya. C'est Allah lui-même. Donc, selon l'école de l'Ash'ari, ils ont compté l'attribut de l'existence comme un attribut alors que l'être de Allah n'est pas un attribut. Donc, ils ont cité l'existence de Allah parmi les attributs alors que l'existence d'Allah, c'est Allah lui-même. Son existence ta'ala, le Cheikh a dit, son existence ta'ala n'a pas lieu par l'acte d'autrui. Car celui qui a besoin de qui le fait exister, c'est ce qui entre en existence. C'est ce qui a un début à son existence. Tandis que celui qui, dont l'existence n'a pas été précédée de néant, il n'a pas besoin de qui le fait entrer en existence. Le cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, il se trouve que certaines personnes aient pu désapprouver l'expression « Allahu mawjoud » parce qu'on y emploierait la forme « maf'oul », la forme verbale passive « maf'oul ». Donc selon eux, cela implique qu'il subit l'acte d'autrui. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible à son sujet. La réponse à cela est que la forme passive, maf'oul, vous corrigez sur le livre, hein, c'est pas maf'oul, c'est maf'oul. Dans le livre. La réponse à cela est que la forme passive, maf'oul, donc corrigée, dans la page 66, maf'oul, s'utilise aussi pour un sujet qui ne subit pas l'action d'autrui. Et le cheikh donne un exemple, tout comme on dit Allahu ma'boud, c'est-à-dire Allah est adoré. Ce qui n'indique pas qu'ils subissent l'acte d'autrui. Donc vous voyez comment le cheikh il réplique. Au cheikh Abdullah, il est très fort pour donner les arguments, que ce soit du Coran, du Hadith ou de la langue arabe. Or, ces gens ont pensé qu'ils avaient une part de connaissance dans la linguistique arabe, mais ce n'est pas le cas. Pensaient qu'ils avaient une maîtrise de la langue, mais ce n'est pas le cas. Le grand linguiste, le commentateur du Qamus Az-Zabidi, il s'appelle Muhammad Murtada. Muhammad Murtada. c'est un hafid, c'est un muhaddith, c'est un faqih. Il est né en Inde, donc il est origine de l'Inde. Mais il a vécu dans un endroit qui s'appelle Zabid. Il a profité beaucoup des savants de cette région-là. C'est pour ça qu'il a été surnommé Az-Zabidi. Puis il s'est installé en Égypte et il est mort en Égypte. Il a vécu il y a environ un siècle. Cheikh Abdullah a dit, c'est le plus grand des derniers linguistes. C'est le plus grand des derniers linguistes. Il est Sharif et il est Husseini. C'est-à-dire il est descendant du prophète par son petit-fils Al-Hussein. Donc vous voyez que beaucoup de savants de langue arabe, ce ne sont pas des arabes. Il a dit dans son livre « Sharh al-Ihya » ce qui suit « Al-Bari, celui qui crée, Ta'ala et Mawjoud, existant. Il est donc possible, selon la raison, qu'il soit vu. » Donc vous avez un grand linguiste qui utilise la forme maf'oul. Donc ces gens-là qui « Mawjoud », c'est la forme maf'oul. Donc ces gens qui prétendent avoir une connaissance de la langue, en réalité, ils n'en ont pas. Parce qu'ils reprochent aux gens d'utiliser le mot « mawjoud » au sujet de Allah, qui signifie « existant » ou « existe ». Le cheikh cite un autre grand savant de la langue, Al-Fayyumi, auteur du Musbah. Il s'appelle Ahmad, fils de Muhammad Al-Hamdani. Il s'appelle Ahmad, fils de Muhammad Al-Hamdani. Il a dit, Al-Mawjoud, l'existant, c'est l'opposé de Al-Ma'doum, l'inexistant. Donc, ce qui compte, c'est la parole des gens de science dignes de confiance dans la transmission des Arabes anciens. C'est-à-dire des gens de science qui ont transmis la langue des Arabes anciens, des spécialistes de la langue, et non pas des intrus qui parlent sans science, et non pas des intrus qui parlent sans science. Le deuxième attribut, le nom début, Al-Qidam. L'éternité est obligatoire selon la raison s'agissant de Allah. Dans le sens de l'existence sans début, et non pas dans le sens de l'ancienneté chronologique et temporelle. Le terme Al-Qadim, Al-Azali, lorsqu'ils sont employés au sujet de Allah, signifie que son existence n'a pas de début. On dit que Allah est Azali, Qadim. En revanche, lorsqu'ils sont employés au sujet de ce qui est créé, ils signifient l'ancienneté chronologique et temporelle. Donc ces termes en arabe, on les utilise au sujet de Allah dans le sens qu'il n'a pas de début à son existence, et au sujet de la créature dans le sens de l'ancienneté, c'est-à-dire dans le temps, dans le chronologique, c'est-à-dire dans le temps. Allah Ta'ala dit à propos de la lune, dans Surat Yassin, « Hatta aada kal urjouni al-qadim » jusqu'à ce qu'elle devienne comme un rachis de palme ancienne. Et quand la branche du palmier, ou là où il y a les dates, ça sèche, ça devient arqué. Allah a comparé la forme de poisson lunaire à cette branche qui, lorsqu'elle devient sèche, elle devient arquée. Comme un arc. D'autre part, Al-Fayrouz Abadi, l'auteur du Qamus Al-Muhit, a dit Al-Haramani Bina'ani Azaliyani Bimisra, ce qui signifie les deux pyramides sont deux constructions anciennes en Égypte. Donc il a utilisé le mot Azali, là encore, pour dire que le mot Azali est utilisé pour dire ancien. Quant à la preuve rationnelle, que Allah Ta'ala existe de toute éternité. Elle est la suivante. S'il n'était pas éternel exempt de début, il serait entré en existence. Et serait alors tributaire de qui l'aurait fait entrer en existence. Et celui-là qui l'aurait fait entrer en existence dépendrait aussi de qui l'aurait fait entrer en existence. s'il n'est pas de l'éternité. Et ainsi de suite. Or, ceci entraîne un cycle. C'est-à-dire, le fait qu'une chose, son existence dépend d'une chose, dont l'existence dépend d'elle-même. Le cycle, c'est comme si vous faites un cercle. Une chose, son existence dépend d'une chose dont l'existence dépend d'elle-même. A dépend de B et B dépend de A. Comme si quelqu'un dit Zayd, c'est Amr qui l'a créé, et Amr c'est Zayd qui l'a créé. Cela signifie que l'existence de Zayd dépend de l'existence de Amr, qui elle-même dépend de l'existence de Zayd. Et ceci, la raison ne l'accepte pas. Pourquoi la raison n'accepte pas? Parce que cela revient à dire que la chose est une même chose et la créature de sa propre créature. Ça revient à dire qu'une même chose est la créature de sa propre créature. Ce qui est impossible. Et cela implique également que la chose existe avant sa propre existence, parce qu'elle serait créatrice, et qu'elle existe après son existence, parce qu'elle est créature. Si quelqu'un dit Zayd a créé Amr et Amr a créé Zayd, si tu considères que Zayd a créé Amr, ça veut dire que Zayd a existé avant, et si tu considères que Zayd a été créé par Amr, c'est comme si tu dis que Zayd a existé après. Donc c'est comme si tu dis que la chose a existé avant elle-même et après elle-même. Et ça, la raison ne l'accepte pas. Or, ceci donc entraîne un cycle ou un enchaînement sans début. C'est quoi l'enchaînement sans début? C'est que l'existence d'une chose dépend de l'existence d'une chose qui l'a précédée, dont l'existence dépend d'une autre chose qui l'a précédée. Et ainsi de suite, sans début. Ça aussi, la raison ne l'accepte pas. Car l'existence d'une chose qui entre en existence actuelle, qui est entrée en existence, selon cet avis-là, ne peut avoir lieu qu'après l'achèvement de choses qui sont entrées en existence avant lui et qui n'ont pas de fin à leur nombre. Si quelqu'un il dit... Cet événement, cette table actuelle, son existence dépend d'une autre chose qui l'a précédée. Et cette autre chose qui l'a précédée, son existence dépend d'une autre chose qui l'a précédée. Et ainsi de suite, selon eux, et ça ne finit pas. C'est comme s'il dit que cette table, elle n'entre en existence que si un nombre qui ne finit pas de choses s'achève pour qu'elle puisse entrer en existence. Et ça aussi, la raison ne l'accepte pas. Un exemple, les savants, ils ont utilisé cet exemple dans leur livre. Ils ont dit, si quelqu'un dit à un autre, je te donnerai un dirham ou bien un euro, que si je t'ai donné auparavant un euro. Ça, c'est pour dire que cette table n'entre en existence, c'est comme si je te dis, je te donne un euro. Que si un événement avant a existé, que si hier je t'avais donné un euro. C'est ça l'exemple qu'ils ont fait. Ils ont fait un parallèle. Et l'événement d'hier n'a existé que si un événement avant a existé. Donc si avant-hier, je t'avais donné un euro. Et ainsi de suite. Sans commencement. Selon eux, ça ne finit pas. Donc il n'aura pas obtenu son euro ou son dirham qui lui a été promis, tout comme cela est clair. Vous voyez, donc les deux choses sont impossibles. Le cycle et l'enchaînement prétendu sans début. Le cheikh a dit, or ceci entraîne un cycle ou un enchaînement sans début qui tous deux sont impossibles selon la raison. Ainsi, l'impossibilité que Allah entre en existence étant avérée, il est établi qu'il est éternel sans début. Le troisième attribut, l'an-enfin. C'est un attribut qu'on appelle des ma'ani. Alors, si on le traduit par ma'ani, c'est l'existence perpétuelle. l'existence perpétuelle. Parce que les attributs de Ma'ani, ce n'est pas l'attribut qui revient à nier quelque chose. Si on traduit par la non-fin, ça revient à nier la fin. D'accord ? Donc pour dire que c'est un attribut de Ma'ani, on dit que c'est l'existence perpétuelle. L'existence perpétuelle, selon l'imam Abul Hassan, fait partie des attributs des Ma'ani. Mais les plus récents des Ash'arites l'ont compté parmi des attributs salbi, c'est-à-dire qui reviennent à nier quelque chose. Et dans ce cas, on peut dire la non-fin. En arabe, c'est al-baqa. Si on le traduit par la non-fin, ça veut dire nier la fin, donc c'est un attribut salbi, qui revient à nier quelque chose au sujet de Allah. Si on le traduit par l'existence perpétuelle, c'est un attribut des ma'ani. Ainsi, donc, al-baqa est obligatoire selon la raison concernant Allah. Allah Ta'ala, dans le sens que l'anéantissement ne l'atteint pas. Puisqu'il est avéré que l'éternité sans début lui est obligatoire selon la raison, l'éternité sans fin est également obligatoire à son sujet. En effet, s'il était possible qu'il s'anéantisse, l'exemption de début serait exclue à son sujet. Parce que s'il était possible qu'il s'anéantisse, ça veut dire que son existence serait possible selon la raison, et non pas obligatoire. S'il était possible qu'il s'anéantisse, ça veut dire que l'existence et l'inexistence lui sont possibles. S'il était possible qu'il s'anéantisse, ça veut dire que l'existence et l'inexistence lui sont possibles. C'est la définition de qui? Qui a pour définition la possibilité de l'existence et de l'inexistence? C'est le possible selon la raison. Ce n'est pas l'obligatoire selon la raison. L'obligatoire selon la raison, son existence est obligatoire et l'inexistence est impossible à son sujet. Donc s'il était possible qu'il soit sujet à l'anéantissement, alors son existence aurait été possible et non pas obligatoire. Et si son existence avait été possible, il aurait eu besoin de qui l'a spécifié par l'existence, de qui fait prévaloir l'existence sur l'inexistence. Il serait ainsi entré en existence. Serait entré en existence. Et donc, l'exemption de début lui aurait été impossible. Elle serait exclue à son sujet. C'est ça la phrase que le cheikh a dit. En effet, s'il était possible qu'il s'anéantisse, l'exemption de début serait exclue à son sujet. Allahu tabaraka wa ta'ala est le seul dont l'existence soit sans fin, de par sa réalité même. Qu'est-ce que ça veut dire de par sa réalité même? C'est-à-dire que c'est un attribut qu'il a de toute éternité. Ce n'est pas un attribut que quelqu'un d'autre lui a donné. C'est un attribut propre à son être. Et le shaykh a dit, et rien d'autre que Allah n'est éternel sans fin de par sa réalité même. Seul Allah à cet attribut qui lui est propre. L'éternité sans fin du paradis et de l'enfer, quant à elle, n'est pas une caractéristique inhérente à leur réalité. Mais c'est Allah qui a voulu qu'ils soient tous deux éternels sans fin. Par conséquent, l'anéantissement est possible au paradis du strict point de vue de sa réalité. Sa réalité, c'est quoi? C'est qu'il est possible selon la raison. Donc ce qui est possible selon la raison, il est admis. L'existence et l'inexistence. Donc en considérant uniquement le fait qu'il soit possible selon la raison, l'anéantissement est possible. Il en est de même pour l'enfer. Du strict point de vue de sa réalité, l'anéantissement lui est possible. Cependant, Allah nous a appris qu'ils n'ont pas de fin, parce qu'il a voulu qu'il n'ait pas de fin. Donc, quand on dit que Allah a pour attribut al-baqa, l'existence perpétuelle, ce n'est pas dans le même sens que la non-fin du paradis et de l'enfer. Donc, il s'agit juste d'une coïncidence de termes, mais pas de similarité ni de ressemblance, qui n'implique pas de similarité ni de ressemblance. Par ailleurs, lorsqu'on dit que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin, c'est pour exprimer que le temps avance pour le paradis et l'enfer. Et ce, sans fin. Quant à l'existence perpétuelle de Allah, ce n'est pas du tout en subissant le temps. Parce qu'Allah n'est pas sujet au temps. Un rappel, qu'est-ce que le temps ? Le temps, c'est le rapport d'un événement à un autre événement. Or, Allah n'est pas sujet aux événements. Donc, il n'est pas sujet au temps. Le temps, sa définition, ce n'est pas un mouvement de planète. Le temps, c'est un rapport d'un événement à un autre événement. La preuve, à partir des textes rapportés, qu'Allah Ta'ala a pour attribut l'existence perpétuelle ou al-baqa, c'est sa parole à Azza wa Jal dans Surat al-Rahman. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Le verset numéro 27. Al-Wajh ici ne peut être expliqué que par Al-Zat, c'est-à-dire l'être de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça ne peut pas être le visage ou la face. Et ce n'est pas possible que ce soit un attribut ici. C'est l'être de Allah qui est qualifié de Dhul Jalali wal Ikram. Ce n'est pas l'attribut de Allah qui est qualifié de Dhul Jalali wal Ikram. Donc ce verset signifie que l'être de Allah existe et n'a pas de fin. Tout en sachant que par ailleurs que le mot Wajh peut avoir le sens de l'attribut dans d'autres versets, mais pas ici. Le quatrième attribut, As-Sama, l'ouïe. C'est un attribut exempt de début, immuablement propre à Allah, par lequel Allah Ta'ala entend tout ce qui existe. Ce n'est pas dans le même sens que l'attribut de la vue ou de la science. Quand on dit Allah Ta'ala entend, ce n'est pas comme on dit Allah sait. Ce n'est pas comme on dit Allah voit. Et comme l'a dit l'auteur de Sharh al-Muqaddimat et d'autres. Donc selon cette définition, l'ouïe se rapporte à tout ce qui existe, c'est-à-dire aux êtres et à leurs caractéristiques. Mais d'autres savants comme Sa'd al-Taftazani a dit que l'ouïe est un attribut qui se rapporte à ce qui est audible. Une partie des choses qui existent et pas la totalité. Parce qu'il y a des choses qui existent qui ne sont pas audibles. Donc les choses qui sont audibles, c'est comme les sons et d'autres. Donc certains ont dit que l'ouïe de Allah se rapporte à tout ce qui est de l'ordre des sons, qui est audible. Et d'autres savants ont dit que l'attribut de Allah, l'ouïe, se rapporte à tout ce qui existe. Le Cheikh a dit, il entend les sons par une ouïe sans début ni fin, qui n'est pas comme notre ouïe, sans oreille ni tympan. Aucune chose audible n'échappe à son ouïe ta'ala, même si elle nous est dissimulée et loin de nous. Tout comme il sait sans avoir de cœur. Le fait que l'ouïe de Allah soit de toute éternité n'implique pas que ce qui est entendu soit de toute éternité. Le fait que l'ouïe de Allah soit de toute éternité n'implique pas que ce que Allah entend soit de toute éternité. Par exemple, nous disons Allah, par son ouïe qui est de toute éternité, entend notre parole qui est entrée en existence. Nous disons, Allah, par son ouïe qui est de toute éternité, il entend notre parole qui est entrée en existence. Mais nous ne disons pas que Allah a entendu de toute éternité notre parole qui est entrée en existence. Nous ne disons pas que Allah a entendu de toute éternité notre parole qui est entrée en existence. l'ouïe se rapporte à ce qui existe, pas à ce qui n'existe pas. L'ouïe se rapporte à ce qui existe et pas à ce qui n'existe pas. Nous disons également, Allah entend par son ouïe qui est de toute éternité, sa parole qui est de toute éternité. Allah entend par son ouïe qui est de toute éternité, sa parole qui est de toute éternité. Les attributs de Allah ne dépendent pas du temps. On ne pose pas un livre ou un cahier sur un autre. Les attributs de Allah ne sont pas dépendants du temps. Comme on a dit, le temps, c'est le rapport d'un événement à un autre événement. Allah Ta'ala, ses attributs ne dépendent pas du temps. Donc, le fait que l'ouïe de Allah soit de toute éternité n'implique pas que ce qu'il entend soit de toute éternité. Tout comme le fait que la science de Allah soit de toute éternité ou que la puissance de Allah soit de toute éternité n'implique pas que ce qu'il, que les choses sues ou les choses pues soient de toute éternité. C'est-à-dire que le résultat de sa puissance n'est pas forcément de toute éternité. N'est pas de toute éternité. Le Cheikh a dit, la preuve rationnelle que l'ouïe fait nécessairement partie de ses attributs est la suivante. S'il n'avait pas l'ouïe pour attribut, il serait caractérisé par la surdité, qui serait un défaut pour Allah. Or, la perfection est impossible à son sujet. C'est ce qu'a dit Al-Ash'ari dans Al-Luma. Ça, c'est sa preuve rationnelle sur l'ouïe, la vue et la parole. Par conséquent, si quelqu'un dit qu'Allah entend à l'aide d'une oreille, il ferait preuve d'irreligion et aurait mécru. Ce n'est pas un musulman. Le cinquième attribut, al-basar, la vue. La vue, c'est-à-dire la vision, est obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah Ta'ala. C'est un attribut de ma'ani, qui est de toute éternité, par lequel Allah Ta'ala voit tout ce qui existe. Et la vue est différente de l'ouïe et de la science. Ainsi, la vue se rapporte à tout ce qui existe. Certains, comme Sa'd Taftazani, ont dit que c'est un attribut qui se rapporte à ce qui est visible. Allah Ta'ala voit ainsi tout ce qui est visible, sans que ce soit d'une perception sensorielle, sans que ce soit une lumière qui parvient de ce qu'il voit jusqu'à lui. Parce qu'Allah, rien n'est tel que lui. Le cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit quant à la preuve tirée des textes établissant l'ouïe et la vue, elle provient des ayahs et des hadiths comme sa parole Ta'ala wa huwa as-sami'u al-basir. Il voit d'une vision éternelle sans début ni fin tout ce qui est visible. Il voit donc son être sans pupille ni organe, car les sens font partie des attributs des créatures. Et là encore, le fait que l'attribut de la vue soit de toute éternité n'implique pas que ce qui est vu soit de toute éternité. Tout comme hein, nous avons vu précédemment pour l'attribut de l'ouïe. La preuve rationnelle établissant qu'il a la vue est la suivante. S'il n'avait pas l'attribut de la vue, il serait aveugle. Or, la cécité est une imperfection concernant Allah. Et l'imperfection est impossible à son sujet. C'est ce qu'a dit Al-Ash'ari dans Al-Luma. Quant à la preuve tirée des textes établissant l'ouïe et la vue, elle provient des ayats et des hadiths, comme sa parole au Ta'ala dans Surat al-Shura, qui signifie « Il est celui qui entend, celui qui voit ». Et comme la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'énumération des noms parfaits de Allah, « As-sami'ul basir », qui signifie « Celui qui entend, celui qui voit ». Ceci figure dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, dans le livre de Ad-Da'awat, dans ses sunan, qui l'a jugé Hassan, et Ibn Hibban l'a jugé Sahih. Ibn Hibban l'a jugé Sahih. Le sixième attribut, la parole, Al-Kalam. La parole est un attribut propre à l'être de Allah qui fait partie des attributs des Ma'ani. C'est un attribut sans début ni fin par lequel il parle. Il ordonne, il interdit, il promet et il menace. Sa parole n'est pas comme la parole d'autres que lui. C'est une parole unique, exempte de la multiplicité, exempte de la succession, exempte de la composition, exempte de l'interruption, exempte d'avoir une partie qui précède une autre ou une partie qui vient après une autre. Elle n'est pas comme la parole d'autre que lui. Au contraire, elle est exempte de début, de par l'éternité, son début, de son être. Parce que si sa parole avait été entrée en existence, son être serait entré en existence. Car il est impossible que des choses entrées en existence adviennent à l'être qui est de toute éternité, tout comme cela a été précédemment indiqué. La règle est que ce qui fait l'objet de caractéristiques ayant un début est lui-même avec un début. Tout ce qui a pour caractéristique des choses entrées en existence est lui-même entré en existence. Le Cheikh a dit, sa parole n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Sa parole n'est pas un son produit par le passage de l'air ou de l'entrechoquement de corps, ni des lettres qui seraient prononcées en rabattant une lèvre ou en remuant une langue. La preuve rationnelle que Allah a obligatoirement l'attribut de la parole et que s'il ne parlait pas, il serait muet. Or, être muet est un défaut qui n'est pas digne de Allah. C'est ce qu'a dit Al-Ash'ari dans Al-Duma. Donc, cet attribut, cette argumentation rationnelle se base sur l'exemption du défaut au sujet de Dieu. Ça, c'est la parole de Ahl-Sunnah, qu'Allah leur donne la victoire et les soutienne. Le Cheikh a dit, nous avons pour croyance que Moussa a entendu la parole de Allah, exempte de début, sans l'être ni son. Allah Ta'ala dit wa kallama Allah Musa taklima dans sourate An-Nisa. Il a entendu cette parole unique de Allah qui n'est pas de l'être ni de son. Tout comme les croyants verront Allah dans l'au-delà, bien qu'il ne soit ni une substance, ni une caractéristique de substance, car la raison ne juge pas impossible d'entendre ce qui n'est ni l'être ni son. Même si nous ne pouvons pas l'imaginer, puisque nous sommes incapables de percevoir la réalité des attributs du Créateur. Nous sommes incapables de percevoir la réalité des attributs du Créateur. Tout comme nous sommes incapables de percevoir l'être de Allah. Sa parole Ta'ala, qui lui est propre, n'est pas une parole composée de lettres se succédant. Comme les unes aux autres, comme notre parole. Si l'un d'entre nous récite la parole de Allah qui est révélée, sa récitation est faite de lettres et de sons et n'est pas sans commencement. L'explication est que les termes qui ont été révélés sont appelés paroles de Allah en réalité. L'expression parole de Allah a deux emplois. L'expression parole de Allah désigne l'attribut de la parole propre à l'être de Allah, qui n'est pas des lettres, qui n'est pas une voix, et désigne également les termes qui ont été révélés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce détail, donc le Cheikh a dit, ce détail a par ailleurs été rapporté de Abu Hanifa. C'est-à-dire, quel détail? Que l'expression parole de Allah est employée pour désigner l'attribut propre de Allah qui n'est pas de lettres et de sang. Abu Hanifa, qu'Allah l'agrée, lui qui fait partie des gens du Salaf, puisqu'il a vécu une partie des 100 premières années. Il est né en l'an 80 de l'Hégire. Et il est décédé en l'an 150 de l'Hégire. Il a dit « Allah parle sans organes ni lettres, alors que nous, nous parlons avec des organes et des lettres. » Il a dit exactement le texte de sa parole à Abu Hanifa. Allah parle pas comme notre parole. Nous nous parlons avec des organes à partir de points d'articulation et de lettres, mais Allah parle sans organes ni points ni lettres. Le Cheikh a dit que l'on comprenne donc bien cela. Ainsi, il n'en est pas comme le disent les mushabbiha, les assimilationnistes, et le représentant de notre époque, les wahhabites. Ils prétendent que les gens du salaf n'auraient jamais dit qu'Allah parle d'une parole sans lettres, et que ce ne serait qu'une innovation des ash'arites. Ils veulent justement par là détourner les gens du tanzih, de la croyance en l'exemption d'Allah de toute ressemblance aux créatures, et les amener à leur croyance fausse, que la raison n'accepte pas. Puisque eux, les assimilationnistes, ont prétendu que Allah parle avec une voix et avec des lettres. Ils ont considéré que les lettres qui sont entrées en existence, qui ont un début, qui ont une fin, qui se succèdent, quand une lettre finit, il y a une autre qui commence, seraient advenues à l'être de Allah qui est de toute éternité. Ils prétendent, en plus, que les lettres sont de toute éternité, qu'elles n'ont pas de début, alors que leur entrée en existence est observable, Ils ont donc quitté ce qu'implique la raison saine. Et certains, il est possible qu'ils aient ajouté une abomination à cette première abomination en disant que l'encre, si on écrit avec les lettres du Coran, avec de l'encre, alors cette encre devient de toute éternité, sans début. Mais ce n'est là qu'une preuve de leur folie et une ressemblance avec les mécréants qui se prétendent suivre notre maître Isa alayhi salam, quand ils disent que celui qui est de toute éternité s'est uni avec ce qui est entré en existence. Que Allah Ta'ala nous préserve de la corruption de l'esprit, de la raison et de l'égarement dans la croyance. Ces égarés, ils ont dit que Isa est entré en existence et lorsque l'attribut de Allah s'est incarné en lui, il est devenu de toute éternité. Comme les Mushabbiha disent à propos de l'encre, ils disent que les lettres sont entrées en existence et lorsque on écrit des lettres du Coran avec de l'encre, l'encre est devenue de toute éternité. Le Cheikh a dit la parole attribuée à l'imam Abu Hanifa, donc qu'Allah l'agré et lui fasse miséricorde, est authentifié. Il a mentionné dans Risalat al-Fiqh al-Akbar, qui est l'une de ces cinq épîtres qui ont été authentifiées comme étant de lui. Tout comme l'a rapporté le Muhaddith, le Hafid, le Lughawi, le Faqih, le Hanafit, Muhammad Murtada al-Zabili dans son commentaire sur Ihya wa Ulum al-Din. Pour expliquer davantage cette question, nous disons que le terme Coran a deux usages. Il est employé d'une part pour désigner les termes révélés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le verset wa idha qara'ta al-Quran. Tout comme lorsque toi tu dis j'ai récité le quart du Coran ou la moitié du Coran. Donc là, qu'est-ce que tu as récité? Ce n'est pas l'attribut de Dieu. Mais ce sont les termes qui ont été révélés. Et le Cheikh a dit, et d'autre part, pour désigner la parole propre à l'être de Allah, exempte de début, qui n'est ni lettre, ni son, ni langue arabe, ni aucune autre langue. Dans cet emploi, donc, il s'agit de la parole propre à l'être de Allah. C'est ce que les savants de Ahl-Sunnah visent en disant, le Coran, c'est la parole de Allah, il n'est pas créé. C'est-à-dire l'attribut. Le Cheikh a dit, si on fait référence par le nom Coran, ou encore Injil, ou encore Zabur, ou encore Taurat, à la parole propre à l'être de Allah, elle est sans début, sans lettre, ni son. Si on fait référence par le nom Coran et par les noms des autres livres célestes, au terme révélé, alors certains sont en hébreu, d'autres en araméen, comme l'Injil. Certains sont en arabe, comme le Coran. Ces langues, ainsi que les autres langues, n'existent pas de toute éternité. Allah Ta'ala a créé les langues. Leur existence a un commencement, alors que Allah Ta'ala existe avant toute chose. Il parle de toute éternité alors qu'elle n'existe pas de toute éternité. Il est ainsi sans changement après leur existence. Sa parole, qui est son attribut, qui est propre à son être, il est impossible qu'elle soit dans une de ces langues créées, entrées en existence. Sa parole est une acception qui est de toute éternité, propre à son être Azza wa Jal, et donc exempte de début et de fin. C'est une parole unique, qu'on ne qualifie pas de multiple, ni qu'elle se précède ou qu'elle se succède. Tous ces livres révélés sont composés de termes qui se succèdent et de lettres qui se suivent, sont des expressions de la parole propre à l'être de Allah, exempte de début et de fin. Et qui donc sont des expressions qui indiquent l'attribut et qui ne sont pas l'attribut même. En outre, le fait que l'expression est un début n'implique pas nécessairement que ce qu'elle indique est aussi un début. Ne vois-tu pas, par exemple, que si nous écrivons sur un tableau ou un mur le terme « Allah » et que nous disons que ceci est Allah, cela signifie-t-il que les formes de ces lettres tracées sont l'être de Allah, celui qui est adoré? Quelqu'un de sensé n'ira pas croire une chose pareille. On en comprend seulement que ces lettres désignent le Dieu qui existe, qui est adoré et qui est créateur de toutes choses. De même, les termes révélés à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont une expression de la parole propre à l'être de Allah et qui est de toute éternité. Le Cheikh a dit, malgré cela, on ne dit pas que le Coran ou les autres livres révélés sont créés. Parce que ceci pourrait nous faire croire que l'attribut de la parole serait créé. Surtout que beaucoup des gens de science ont dit que lorsque le terme Coran est utilisé, par défaut, il désigne l'attribut de la parole propre à l'être de Allah. C'est pour ça qu'on dit le Coran, c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. C'est-à-dire, dans quel emploi? Dans l'emploi qui désigne l'attribut et non pas des termes révélés. Le Cheikh a dit, mais on explique dans un cadre pédagogique que les termes révélés ne sont pas un attribut d'Allah, mais qu'ils sont au contraire créés par Allah. Car ce sont des lettres qui se succèdent les unes aux autres. Et tout ce qui est ainsi est indubitablement une chose qui a un début à son existence, qui est créée. Toutefois, ils ne sont l'œuvre ni d'un ange, ni d'un être humain. Ce sont des expressions de la parole propre à l'être de Allah, parole dont on ne dit pas qu'elle est arabe, ni qu'elle est hébraïque, ni qu'elle est araméenne. On emploie pour tout cela l'expression de la parole de Allah. C'est-à-dire que l'attribut de la parole confirmé pour Allah, on dit que c'est la parole d'Allah, Kalamullah. Et les termes révélés, qui sont une expression, on dit aussi qu'ils sont la parole d'Allah. D'autre part, les deux usages du terme Qur'an sont tous deux de sens propre. Car le sens propre est soit linguistique, soit religieux, soit conventionnel. Or, l'emploi du terme Qur'an pour désigner les termes révélé est un sens propre religieux. Il convient donc de le savoir. Pour faire un rapprochement d'idées, comme cela avait été mentionné plus haut, le mot Allah est une expression se référant à un être sans début ni fin. Lorsque nous disons « nous adorons Allah », c'est de cet être dont nous parlons. Si on écrit ce mot et que quelqu'un demande « qu'est-ce que c'est ?», on répond « Allah ». Dans le sens que ces lettres désignent cet être sans début ni fin, et non que ces lettres seraient elles-mêmes l'être que nous adorons. Donc, lorsque dans le Coran, Allah Ta'ala nous apprend « Innahu la qawlu rasulin karim » dans Surat Al-Haqqa, il s'agit de la parole d'un messager honoré, ça veut dire que c'est la récitation de Jibril. Ici, la qawlu, c'est-à-dire maqru, c'est-à-dire la récitation. Si le terme qui a été révélé, qui est en langue arabe, était la parole même de Dieu, la parole propre à son être, son attribut, Allah n'aurait pas dit que c'est la parole de Jibril. Donc, Ar-Rasul Karim, dans cette veille, dans ce verset, c'est bien Jibril par accord des Mufassir. Aucun Mufassir n'a dit autre chose à ce sujet. Il s'agit de la récitation de Jibril. Donc, c'est la parole de Jibril. Si les termes révélés étaient l'attribut de la parole de Dieu, Allah n'aurait pas dit que c'est la parole de Jibril. Il aurait dit c'est ma parole à moi. Donc, les termes révélés sont une expression de l'attribut de la parole de Dieu. Quand tu as le livre du Coran dans la main, tu dis « j'ai la parole de Dieu dans la main », c'est-à-dire l'expression de l'attribut et pas l'attribut de Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un a l'attribut de Dieu dans un livre. Les attributs de Allah ne se séparent pas de son être.